France Inter. Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, juin 1940, les hommes de l'île de Sein s'embarquent pour l'Angleterre. Cette page d'histoire est entrée dans la légende de la France libre, celle des 128 hommes de l'île de Sein qui, dès 1940, ont quitté leur petit bout de terre bretonne perdu dans l'océan, laissant derrière eux leur famille, leur maison, leur filet et leur panier de pêche pour partir en Angleterre combattre derrière un certain général de Gaulle. Alors qu'en juin 1940, à la stupeur générale, les troupes allemandes envahissent la France, qu'est-ce qui fait que certains décident de partir alors que d'autres restent? Ceux qui partent ont-ils plus de courage, de conscience ou au contraire d'inconscience pour désobéir à Pétain qui ordonne de cesser le combat et partir vers une aventure très incertaine? Le 7 juillet 1940, on comprend l'étonnement de De Gaulle qu'en passant en revue les rares volontaires français qui l'ont rejoint à Londres, il découvre que parmi eux, il y a une centaine de Sénans. Mais alors, se serait exclamé De Gaulle, l'île de Sein, c'est donc le quart de la France. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Vladimir Troupelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, conservateur du musée de l'Ordre de la Libération. L'Ordre de la Libération dont l'île de Sein fait partie depuis le 1er janvier 1946. Cet Ordre de la Libération a été institué par De Gaulle en 1940. Dans quel but ? D'abord dans le but de récompenser les plus méritants de ceux qu'il avait rejoints et qui étaient fort peu nombreux, parce que là on est en novembre 1940, quelques mois à peine après le fameux appel du 18 juin. Quand il crée donc cet ordre. Il crée cet ordre. D'autre part, sans doute pour encourager par l'exemple. Mais il y a une raison qui est plus politique. Vous savez, les choses sont souvent politiques avec le général de Gaulle. C'est que il considère à ce moment-là, parce que si on se souvient du contexte, on est juste au moment où le chancelier du Reich, Adolf Hitler, et le maréchal Pétain, chef de l'État français, se sont rencontrés, à la suite de quoi Pétain a annoncé officiellement qu'il entrait dans la voie de la collaboration. Au même moment, depuis Brazzaville, au Congo, qui est la capitale de la France libre, De Gaulle engage un processus de contestation de la légitimité du gouvernement du maréchal Pétain. Et donc, par voie de conséquence, une autre légitimité doit se présenter, c'est celle de ceux qui continuent le combat, c'est-à-dire la France libre. Et dans ce contexte, le général de Gaulle met en place un embryon d'État, et parmi les outils d'un État, les outils régaliens, de tout temps, la création d'un ordre a été la prérogative d'un chef d'État. Alors son compagnon de la libération, on le sait, 1038 personnes, il y a aussi 18 unités combattantes et 5 communes françaises, Nantes, Grenoble, Paris, Vassieu-en-Vercors et enfin l'île de Sein. Pourquoi désigner des communes compagnons de la libération ? Alors ça, c'est une tradition française, hein. C'est assez ancien qu'on attribue par exemple la croix de guerre à une ville qui a été particulièrement courageuse dans un conflit. C'était le cas pendant la guerre de 70, c'était le cas pendant la guerre de 14-18 également. Donc ça c'est pas une anomalie, simplement comme pour tout ce qui concerne l'ordre de la libération, c'est fait par De Gaulle avec beaucoup de parcimonie. Très peu d'attributions, hein. 1038 hommes et femmes, 23 collectivités dont 5 communes et c'est donc une tradition française. Alors nous allons essayer de comprendre pour quelles raisons, donc en 1940, la totalité des hommes valides de l'île de Sein, qui n'étaient donc pas mobilisés à ce moment-là, âgés de 14 à 54 ans, sont partis en Angleterre. Mais d'abord, Vladimir Troupelin, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est justement l'île de Sein en 1940, avant ce fameux départ ? Alors, l'île de Sein, c'est un caillou très plat, qui se trouve à 8 km en face du Raz de Sein, qui est une île donc toute petite, qui fait 56 hectares. On est au bout de la Bretagne, de l'autre côté, un peu plus loin que la pointe du Raz. On est à la croisée de la Manche et de l'Atlantique, dans un endroit qui est d'ailleurs très difficile en termes de navigation. Et donc l'île de Sein est aussi une île qui a une tradition de sauvetage en mer, parce que c'est vraiment une zone très périlleuse. On dit, hein, y a un dicton qui dit « qui voit Sein, voit sa fin ». Voilà, donc ça dit un peu tout. Donc 1400 habitants en 1939, de quoi vivent les habitants ? Essentiellement de la pêche, oui. Et puis aussi par la récolte du goémon, donc cette algue qui est récoltée alors là, essentiellement par les femmes de l'île et qui sert d'engrais et aussi de combustible. Donc oui. C'est une longue tradition aussi, oui. La culture du goémon. Il n'y a pas d'électricité, pas de téléphone. Les hommes font leur service militaire dans la marine. Essentiellement, pour des raisons qui sont évidentes, sont des marins de naissance, quasiment tous. Donc, bien sûr, quand ils sont appelés, c'est essentiellement dans la marine. Comment sont-ils reliés au continent? Il y a des bateaux, on est vraiment dans une autarcie à ce moment-là. Alors, les conditions de vie sont assez rudes, hein, vous l'avez compris. Le climat, bien sûr, mais aussi l'éloignement. L'insularité est quelque chose d'extrêmement fort à Saint. D'abord parce que on est relié au continent par un bateau, qu'on appelle le courrier, parce qu'il amène le courrier, mais aussi les passagers, mais aussi toute la nourriture extérieure à l'île. Et ce courrier s'appelle l'Arzénith, et c'est un des bateaux qui partira en Angleterre. Arzénith, qui veut dire le zénith en breton. Voilà, et il vient 3 fois par semaine maximum. Et donc les habitants parlent breton, parlent français aussi, puisqu'ils vont à l'école de la République. Oui, alors ils parlent évidemment breton tous couramment entre eux, mais comme vous le dites, ils parlent aussi le français qu'ils ont appris à l'école, bien sûr. Vladimir Trouplein, on continue tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, juin 1940, les hommes de l'île de Sein s'embarquent pour l'Angleterre. Un texte de Jean-Yves Le Naour, l'historien, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Cédric Aussire. Ma petite île est un Finistère. Ici finit la France. Ici finit mon enfance. Je viens d'avoir 15 ans il y a quelques jours. Je suis plus un gamin. Et il faudrait que ma mère le comprenne. Mais je suis pas tout à fait un homme non plus. Un triste anniversaire en vérité. Le pays est envahi. Les Allemands déferlent. La France est en train de sombrer. Mais notre petite île, elle, continue à se dresser au-dessus des flots. La vie s'y poursuit comme si de rien n'était. Mais les esprits sont ailleurs. Je suis triste. Mais tellement triste. Juin 1940. Le jeune Fanche, 14 ans, n'a jamais quitté son île de Sein, cette île bretonne située à 7 km à l'ouest de la pointe du Raz. Ici, il n'y a pas de terre, mais du granit. L'océan y est furieux, indomptable, comme le vent qui souffle en rafale. La vie y est rude. Les femmes et les hommes de l'île de Sein, pêcheurs pour la plupart, sont eux-mêmes durs, mais aussi fidèles. Car sans solidarité, ils ne pourraient survivre. Oh, petit, attrape ! Tu te débrouilles bien. Tu sais faire les nœuds comme il faut. Eh, pardon, on sait tous les faire au pays. Tiens, aide-moi. La pêche a été bonne, monsieur Porsmoguer. Oui, tu vois ça. La mer se moque pas mal de nos joies comme de nos peines. Il y a des nouvelles? Non, monsieur Porsmoguer. Il a fallu recharger la cul. Ils attendent tous au café, le prochain journal parler. Tiens, prends ce poisson et apporte-le à monsieur le curé. Et rejoins-moi au café. Oui, mes enfants. Il voulait que nous abandonnions notre île. Le gouverneur royal de Bretagne demandait l'évacuation de notre terre qui n'avait aucun intérêt à ses yeux. Et les Sénans ont dit non. Ils ont répondu que si leur terre était submersible et si elle ne leur donnait pas assez de pain, ils devaient tout de même demeurer ici. Parce qu'ils étaient fidèles. Et parce qu'il fallait bien des hommes en sentinelle sur l'océan pour recueillir les naufragés. N'oubliez pas, les enfants, nous sommes des sentinelles. Oh, Fanche, mon grand. Bonjour, mon père. Je vous ai apporté un poisson de la part de monsieur Porsmoguer. Tu le remercieras de ma part. Vous savez, les enfants, que le poisson était le signe des premiers chrétiens. Je vais vous expliquer pourquoi. Voyez-vous, le Christ... Il fait beau en ce mois de juin 1940. Devant cette nature immuable, l'océan plus calme que d'habitude, le soleil qui darde ses rayons sur le granit, le vent terrassé par les hautes pressions de l'anticyclone des Açores, on en oublierait presque qu'à quelques centaines de kilomètres de là, des hommes combattent et meurent. Depuis le 10 mai 1940, les Allemands ont percé dans les Ardennes. Ils ont opéré un grand mouvement tournant qui a pris au piège les forces franco-britanniques dans la poche de Dunkerque. Le 4 juin, les Allemands, vainqueurs à Dunkerque, mettent le cap au sud, direction Paris. Le 8, ils remportent la bataille d'Amiens. L'armée française recule, désorganisée, en lambeaux, les civils fuient en masse. C'est la panique, l'exode, des millions de pauvres gens sur les routes. Et la défaite qui se profile, plus rien ne peut l'empêcher. Sur l'île de Sein, la population a deux endroits pour échanger des nouvelles. Là où tout le monde se réunit, l'église et le café de l'hôtel de l'Océan. Avec le phare, le café de l'Océan est le seul établissement de toute l'île à posséder un poste TSF. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? On a arrêté les Allemands ? Le gouvernement appelle à résister. Il dit qu'il ne quittera pas la capitale. La situation est périlleuse, mais en passe de se rétablir. Tout un tas de conneries, quoi. Tout de même. Hier, ils ont dit que l'ennemi avançait, mais au prix de pertes colossales. Ils vont pas pouvoir continuer à ce rythme-là. Tu sais, il faut pas croire tout ce qu'on nous raconte. Tout ça, c'est de la propagande. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, les Allemands ne sont plus ravitaillés, etc., etc. La vérité, c'est qu'ils marchent sur Paris et que ça va mal pour nos petits gars. Nous avons perdu la guerre, mon pauvre Franche. Vous avez pas le droit de parler comme ça. Ouais. Franche, voyons. Franche, reviens. Allons, Franche. Qu'est-ce que tu crois ? Mon cœur saigne, moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Je sais pas ce qu'on peut y faire, mais ça me rend malade. Regarde. Regarde devant toi. Tu vois ? Eh bien cela, les Allemands ne pourront jamais nous l'enlever. Ni eux, ni personne. Et même demain, quand nous ne serons plus, ça, ce sera toujours là. Écoute, petit, ça te fait quel âge maintenant ? 15 ans. Déjà. Écoute, j'ai une proposition à te faire. Ça te dirait de travailler sur mon bateau ? Pour sûr, monsieur Porsmoguer. Ici, on est marin de père en fils. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? La spécialité du pays, c'est la pêche au homard. On va vendre ensuite sur le continent. Moi, ça fait longtemps que je veux devenir pêcheur comme mon pauvre papa. Mais ma mère, elle fait tout pour me garder avec elle. Je vais pourtant pas rester dans ses jupes éternellement. Ah, te voilà, tu faisais quoi ? Je parlais avec monsieur Porsmoguer. J'ai besoin de toi. Le temps est au beau, ça peut ne pas durer. Il faut se dépêcher d'étendre le goémon et de le faire sécher. Maman, il n'y a plus que nous pour nous chauffer aux algues. Oh, si les autres ont de l'argent pour faire venir du charbon du continent, eh ben tant mieux pour eux. Nous, on peut pas se le permettre. Puis tu sais, on a toujours fait ça comme ça. Les algues sèches brûlent bien. La nature nous donne, il faut en profiter. Dis, maman. Monsieur Porsmoguer m'a demandé... de travailler sur son bateau, quoi. Je savais bien que ça arriverait un jour. Oh, pourquoi faut-il que les enfants grandissent aussi vite ? Si l'on pouvait arrêter les aiguilles au cadran qui marque les heures de la vie, nos petits enfants, si mignons, si gentils, grandiraient pas pour déserter leur nid. Nanana, nanana. Un avion ? Il a des croix noires ! C'est un Allemand, c'est pas possible ! Maudit soit-il. Toi aussi, tu penses que les Allemands vont gagner la guerre ? Ça se peut. Et tu crois qu'ils viendront ici ? Ah non ! Tu peux être tranquille. Qu'est-ce qu'il y a à voler ici ? Ici, il n'y a que de la peine et des larmes. Et tu peux me croire ? L'océan est parfois pire que les Allemands. J'en sais quelque chose. Maman, je suis grand maintenant. Tu peux plus me garder dans tes jupes. Je veux travailler. Je te ramènerai de l'argent. La mère, elle nous a pris, alors elle peut bien nous donner. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici ? Ou alors, il faudra que je parte d'ici, que j'aille sur le continent pour travailler, et je te verrai plus. C'est d'accord. Tu pourras faire le marin sur le bateau de M. Porsmoguer. Allez, va lui dire. Merci, maman. T'es la meilleure des mamans. Jésus-Marie-Joseph. protéger mon petit, ne lui réservez pas le triste sort de son père. Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris, déclarés ville ouverte. Paul Reynaud, le chef du gouvernement, replié momentanément à Tours, appelle au miracle. Mais il n'y aura pas de bataille de la Marne, pas de contre-offensive salutaire, pas de miracle. Sur l'île de Sein, on guette les nouvelles. On s'inquiète pour les enfants du pays qui, sous l'uniforme, affrontent le feu allemand. La vie continue cependant. Elle s'écoule presque comme avant, mais l'atmosphère est lourde. On sent l'orage qui s'approche. Un jour, c'est toi qui iras là-bas. Alors, regarde. Là, ici, et là-bas encore. Un petit chapelet de rochers qui émerge à peine. C'est ce qu'on appelle la chaussée de Sein. Il y a des rochers comme ça sur 15 000. Eh bien, c'est un vrai cimetière abattu. Je ne donne pas cher de la peau de quelqu'un qui connaît pas le coin. Ici, c'est le territoire du Bagnoz. Le Bagnoz ? Tiens, aide-moi. Ce casier a dû s'accrocher à une pierre. Le Bagnoz, c'est la barque de la nuit, celle qui transporte les morts. On ne la voit qu'à la tombée du jour et elle annonce des catastrophes. Elle vogue contre le vent et convoie les marins noyés dans l'autre monde. Oh, les homards sont magnifiques. Oh, de beaux bleus. On a de la chance, c'est une belle pêche. Et on a encore 4 casiers à récupérer. Allez, allez, allez, hardi moussaillon. Et dites, monsieur Porsmoguer, vous l'avez connu, mon père ? Bien sûr. On était ensemble sur les bancs de l'école. Et on a commencé ensemble sur le même bateau. Tu sais, à l'époque, c'était pas rare de travailler à 11 ans. C'était dur ? Bien sûr que c'était dur. C'est toujours dur. Sortir tous les jours qu'il pleuve, qu'il ventre. Regarde mes mains. Elles sont tannées. Allez, bois un coup. J'ai un homme maintenant. Ton père, il n'a pas eu de chance. C'est comme ça. C'est l'histoire de notre île. L'océan nous nourrit, il nous donne, mais il nous prend aussi. Et ça date pas d'hier. Tu vois, moi aussi j'aurais pu y rester. Et plus d'une fois. J'ai eu de la chance aussi. Je me souviens, en mai 1917, j'étais un jeune marin, le même âge que toi à peu près. C'était mon jour de repos. Eh bien, le bateau sur lequel j'ai travaillé n'est jamais rentré au port. La tempête ? Non, il faisait un temps magnifique. Et il y avait un sous-marin allemand. C'est le gardien du phare qui a tout vu et qui nous a raconté. Le sous-marin est sorti de l'eau, il a coulé le bateau au canon et il a laissé les nôtres se noyer. J'y étais pas. C'était pas mon jour. Tu vois ? Les naufrages font partie de la vie des Sénans. Malgré le mythique phare d'Armen, à la pointe de la chaussée de Sein, il faut une bonne connaissance des lieux pour naviguer au milieu du chapelet de récifs qui court sur des kilomètres. Malheur aux marins présomptueux ou aux navires perdus dans la brume qui ratent le ras de Sein entre l'île et le continent. En 1908, le vapeur danois Oscarshall s'éventre sur les rochers. En 1910, c'est le vapeur espagnol Aracia qui fait naufrage. Et en 1922, c'est au tour du paquebot anglais Egypt de sombrer. Et il y en aura d'autres encore. Ici, c'est bien le dangereux territoire du Bagnoz. Regardez ! Nom d'un chien. C'est quoi tous ces bateaux ? Ce sont des navires marchands qui n'ont pas envie de tomber dans les mains des Allemands. Les Allemands, ils sont encore loin. Ils entreront pas en Bretagne, hein, monsieur Porsmoguer. On va les retenir. L'ennemi se rapproche tous les jours un peu plus. Et si l'on a ordonné aux navires marchands d'évacuer le port de Brest, c'est que ça va mal, très mal. Ils seront là dans quelques jours, une semaine. Allez, allez, on relève encore un casier et on rentre. À l'arrivée au port, M. Porsmoguer, en montant sur la jetée, aperçoit Louis Guilcher, le maire. Oh, Louis ! Salut, Joseph. T'es bien le dernier à pêcher encore. Faut bien manger. Et les nouvelles ? Pas bonnes. Le gouvernement est parti pour Bordeaux. C'est cuit. Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces homards? Ils te les prendront pas, Audierne. Les criers sont fermés, les restaurants désertés, les bourgeois ont tous filé vers le sud. Il n'y a plus de clients pour les homards en ce moment. Prends-en deux ou trois, alors. Faut pas que ça se perde, quand même. Tiens, petit, prends une caisse. Ce sera ta première paye. Maman, maman, regarde. Des homards. Merci, monsieur Portemoguer. Ce soir, Fanche, je vais te faire de la bisque. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Regarde cette fumée qui vient du continent. Pourtant, c'est pas possible que les Allemands soient déjà là. Une épaisse fumée noire qui s'élève au loin, au-dessus de Brest. Les marins doivent incendier leur base pour qu'elle ne serve pas à l'ennemi. Les casernes, les stocks, les bâtiments, tout. Un geste désespéré, mais tout de même un geste de résistance. Allez, viens. Je vais te préparer les homards. Oh, j'ai plus faim. Fanche n'est pas le seul à avoir l'estomac retourné. Il y a 8 millions de personnes sur les routes, terrifiées, épuisées. Le 16 juin au soir, Paul Reynaud a démissionné de ses fonctions de président du Conseil, aussitôt remplacé par Philippe Pétain, qui s'empresse de réclamer l'armistice. Dès le 17 juin, dans sa première allocution radiodiffusée, il demande aux Français de cesser le combat. Le lendemain, 18 juin, un obscur général qui a gagné Londres pour justement continuer le combat lui porte la contradiction. C'est le fameux appel du général de Gaulle, un appel qui fonde la résistance et la France libre. Rétrospectivement, c'est un événement fondamental. Mais ce 18 juin, personne ou presque n'a entendu cet appel lancé sur les ondes de la BBC. Pas même sur l'île de Sein, où tout le monde a les yeux rivés sur la carte de la guerre. Ce 18 juin 1940, les Allemands prennent Cherbourg et entrent dans Rennes. Ils ne sont plus qu'à quelques jours de Brest. Joseph, j'ai besoin de toi. De moi, Louis? Oui, enfin, c'est le maire qui te parle. Alors, j'enlève ma casquette. Arrête, c'est sérieux. La marine a réquisitionné l'Arzénith, le bateau de Jean-Marie. Réquisitionné? Pourquoi? T'as vu tous les soldats qui sont arrivés sur l'île? Ah oui, des biffins, des légionnaires, des mitrailleurs, et même des chasseurs alpins. Il est vrai qu'on a de belles montagnes sur notre île. Il en arrive de partout, les gens veulent fuir. Et Jean-Marie a reçu l'ordre de conduire tous les militaires à Plymouth. Et alors? Bah, et tous les civils? On en fait quoi? Alors regarde, il y a plein de jeunes gens qui veulent se rendre en Angleterre pour combattre. Je vais les emmener, moi. T'inquiète pas. Allez, Ameutelet, dis-leur de monter tous sur le Velleda. Je serai de retour d'ici 2 à 3 jours. L'île de Sein voit subitement affluer des débris de l'armée française en retraite et des civils décidés à poursuivre la lutte. Des hommes qui fuient au hasard l'avancée des troupes allemandes et qui se retrouvent sur l'île comme dans un terminus, un cul-de-sac, une impasse. L'île de Sein revêt des allures de fourmilière, de gare maritime, avec l'anxiété qui creuse les traits des réfugiés regardant vers l'Angleterre, le seul pays qui tient encore face à Hitler. Le navire de Jean-Marie Menou, l'Arzénith, et celui de Joseph Portemoguer, le Velleda, vont leur permettre de gagner la Grande-Bretagne. En quelques heures, l'île passe d'une situation d'agitation, de ruches bourdonnantes, au silence pesant. Car pendant ce temps, les Allemands approchent. Nous sommes le 22 juin 1940. C'est le Velleda qui revient. Ouais, Joseph, tu reviens bien plus tôt que prévu. Vous pouvez faire une croix sur l'Arzénith. Il ne reviendra pas de Plymouth, vous pouvez en être sûr. Mais toi, t'es bienvenu. Moi, je me suis arrêté à Ouessant. Mes civils ont embarqué sur un croiseur militaire. Et comment ça se passe à Ouessant? Vous verriez ça, il y a des bateaux partout. Une vraie fête de la mer. Ils se regroupent pour gagner l'Angleterre. Et votre bateau, il pourrait traverser la Manche aussi? Bien sûr, petit. Il m'est arrivé de remonter pêcher jusqu'aux côtes irlandaises. Alors? Eh, pas de blague, Joseph. J'ai besoin de toi pour la liaison avec le continent. Allez, viens boire un verre. Si l'Arzénith ne revient pas, il va falloir que je le remplace. Ce sera le Velleda. Il faut bien un bateau pour faire la liaison entre l'île et le continent. Écoute, je veux bien te dépanner quelques jours, mais je ne suis pas un ferry. Ça ne me va pas du tout. C'est la guerre, mon vieux. Et si tu ne marches pas, il faudra que je réquisitionne ton bateau. Tout ça alors, tu manques pas de culot. C'est non, monsieur le maire. Eh ben quoi, Henri? Tu nous fiches la trouille? Tu désertes ton poste de gardien de phare? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un général. Il y a un général qui a parlé tout à l'heure, à la radio anglaise. Qu'est-ce qu'il a dit, ce général? Il a dit... Attendez, j'ai soif. Eh ben vas-y, ne t'ennuie pas, bois notre bouteille. Il a dit qu'on avait perdu une bataille, mais pas la guerre. Comment ça se fait que t'écoutes la radio anglaise, toi? Monsieur le maire, la plupart des radios de Paris n'émettent plus du tout. Alors, j'étais en train de chercher une autre fréquence quand je suis tombé sur la BBC. Mais c'était en français. Et c'était un général qui disait que la guerre, elle continuait et qu'à la fin, c'est les alliés qui sortiraient vainqueurs. Il est culotté, ce gars-là. Comment qu'il s'appelle? Je sais pas, mais il a dit qu'il reparlerait tout à l'heure. Alors, on l'écoutera. Tiens, assieds-toi, on va commander du cidre. Le gardien du phare, Henri Thomas, a rapidement ébruité la nouvelle. Le 22 juin 1940, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées devant le café-hôtel de l'Océan. Pour que tout le monde puisse entendre, la propriétaire a installé le poste de radio près de la fenêtre ouverte. Oh la mer, vous ne connaissez pas ici. Plus il faut que je trouve la BBC, je vais jamais sur cette. On comprend rien, c'est toi en étranger. Ça vient. Le gouvernement français, après avoir demandé la. C'est lui. Mais tais-toi donc. Connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Bien dit, moi non plus, j'accepte. L'honneur. Oui, nous avons subi une grande défaite, mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Mais c'est vrai, il y a les Russes et les Américains qui sont en guerre. Oui. Moi, général de Gaulle, j'invite les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Quand le général s'est tu, ça a été un grand silence. Pendant un certain temps, personne n'a parlé. Nous étions tous sous le coup de l'émotion. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à me suivre, a dit le général. La guerre, elle n'était pas finie. Elle commençait à peine, qu'il avait dit. Alors moi, j'ai pris ma décision. Mais qui c'est, ce De Gaulle? Ah ben, tu sais, il était dans le gouvernement de Paul Reynaud, secrétaire d'État à la guerre, quelque chose comme ça. Partir, il en a de bonnes, lui. Moi, j'ai une famille et des enfants tout petits qui va les nourrir si je pars faire le zouave. Bah, faut pas vous en faire. Si vous partez, nous serons toutes solidaires. Nous nous épaulerons l'une l'autre. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux faire confiance au maréchal? Il sait ce qu'il fait. Il livre la France aux Boches. Voilà ce qu'il fait, ton maréchal. Quel âge que t'as, petit morveux? D'abord, toi, t'as pas fait la guerre. Moi, en 14... Ben justement, je veux la faire, la guerre. Et tu devrais nous encourager au lieu de nous vendre aux Boches. Bon Dieu, l'ancien, vous vous êtes pas battu hier pour qu'on s'agenouille aujourd'hui. Et toi, Louis? Je veux dire, et vous, monsieur le maire? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacun est libre d'agir selon sa conscience. Oui, il y a le téléphone qui sonne à la mairie. Philam Button, c'est donc si urgent qu'ils utilisent le téléphone. Ça sert jamais d'habitude, ce machin. J'y vais. Allô, oui. Le maire de l'île de Saint, oui, c'est moi. Comment? La préfecture de Quimper? Demain, oui, mais... Pourquoi? C'était la préfecture de Quimper. C'est grave, monsieur le maire? Oui, petit. On n'a plus beaucoup de temps. Va sonner les cloches, petit. Il faut réunir toute la population dans l'église. L'église était pleine. Comme à Noël ou à Pâques. Tout le monde était là. On aurait dit une fête. Sauf qu'il y avait de la tension dans l'air. C'est vrai, ça. La guerre n'est pas finie. Les Anglais se battent et ils ont besoin de marins, comme nous. Voilà, c'est pas mal que nous, les Anglais. Les Boches, ils ont gagné, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ils ont gagné que la première manche, tu verras. Tu verras qu'on mourra. Mes amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. Les amis. Je viens de recevoir les ordres de la préfecture. Tous les militaires qui se trouvent actuellement réfugiés à Saint doivent immédiatement rejoindre la caserne de Quimper avec 3 jours de vivres. On sait ce que ça veut dire. Ils vont être réduits à la captivité et certainement envoyés en Allemagne. Et c'est pas tout. La préfecture m'ordonne de recenser les jeunes gens à partir de 15 ans. Et tous les hommes valides. Quoi ? À partir de 15 ans ? Et voilà. 15 ans. D'abord l'armistice et après l'esclavage. Nous sommes vendus aux Boches par nos dirigeants. C'est peut-être pas ce qu'on croit, le maréchal. Mes enfants, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mes enfants, il n'est plus temps de vous disputer. Je ne sais pas ce qui va nous arriver. Mais je sais qu'aujourd'hui, nous sommes encore libres. Demain, ils seront ici et nous ne pourrons plus rien décider. Alors écoutez-moi bien. Le choix que vous allez faire est peut-être difficile. Si vous partez, vous ne reviendrez pas avant des années et beaucoup, sans doute, ne reviendront pas. Mais ce sera votre dernier choix d'homme libre. Bien parlé, l'abbé. Moi, j'ai fait la guerre de 14 et je dis à tous les jeunes qui veulent se battre et qui peuvent se battre que c'est pas fini, que nous n'avons pas le droit de désespérer. Et puis vivre en esclave, c'est pas une vie. Aussi, mon fils partira rejoindre le général de Gaulle à Londres. Nous ne forcerons personne. Je pose la question à tous les présents, en leur âme et conscience. Qui est volontaire pour partir ? Moi. Moi. Moi. Moi. Tous les hommes décident de partir, même ceux qui doutaient quelques minutes plus tôt. Le maire conclut la réunion par la devise de la Bretagne. Kentor Perfel, Egetenem Sautra. Plutôt la mort que la souillure. C'est-à-dire, plutôt la mort que le déshonneur. Plutôt mourir debout que de vivre à genoux. Allez faire vos bagages. Embrassez vos femmes et vos enfants. Vous les reverrez pas de sitôt. Rendez-vous ensuite sur le port. Je dois y aller. Maman, tu comprends ? Maman. Non, Forge, il n'en est pas question, tu ne partiras pas. Je veux pas vivre sous le joug de l'ennemi. Je veux me battre, maman. Il y a quelques mois, tu jouais encore au billet et maintenant tu veux faire le soldat ? Tu vas rester ici, avec moi. Non, maman. Je vais partir. Tu viendras me dire au revoir tout à l'heure. La mère m'a pris ton père. La guerre ne me prendra pas mon fils. Tu resteras ici. Allons, maman. Tu pourras pas me protéger toute la vie. Je dois bien faire des choix, devenir un homme. Je partirai tout à l'heure. Il faut que je parte. C'est l'heure des adieux. Les mères ont préparé des tartines, de quoi manger durant la traversée. Les épouses ont bouclé un paquetage à la va-vite, un peu de linge, un peu d'argent, et la photo de famille, celle des petits pour qu'ils ne les oublient pas, celle du temps heureux où ils étaient en paix. Sur la jetée, l'abbé Guillerme confesse les hommes à tour de rôle, il leur donne la communion et les bénit. Ils partent sans savoir s'ils reviendront un jour. 128 hommes sont rassemblés pour le grand départ, tous les hommes de l'île de 15 à 50 ans. Maman, tu es venue ? Mon petit. Tiens, tu as du pain, du jambon et du fromage. J'ai ajouté ton ciré car il fera peut-être gros temps en mer. Oh, mon tout petit. Au revoir, maman chérie. Au revoir, mon petit. Promets-moi de ne pas faire le héros et de me revenir. Je te le promets, maman. Allez, mon enfant. Va vers ton destin, puisque maintenant tu es un homme. Dis donc, Fanche, tu es bien jeune pour faire un soldat. Et vous, monsieur Porsmoguer, sauf votre respect, vous êtes bien vieux. Vous avez entendu ? Quoi ? Le Pagnos ? Dis pas de bêtises. C'est l'histoire d'un peuple de marins qui regarde vers l'horizon, mais qui cette fois n'a Dieu que pour son petit bout de terre, pour sa patrie qui disparaît peu à peu derrière les vagues. Pour la défendre, ils doivent la quitter. Ils sont 128. 128 seulement, mais ce soir-là, ils sont toute la France qui ne veut pas mourir. Quand nous sommes arrivés en Angleterre, on nous a conduits à Londres, dans un grand bâtiment réservé aux Français, l'Olympia Hall. C'était pas vraiment la joie. Il n'y avait que 4 à 500 personnes pour avoir rejoint le général de Gaulle. Comme on l'a averti qu'un contingent de 128 volontaires venait d'arriver, il est venu pour nous saluer. Il a demandé à l'un d'entre nous, au hasard, d'où il venait. L'homme lui a répondu « De l'île de Sein ». Il a posé la même question à un deuxième qui lui a répondu « De l'île de Sein ». Puis à un troisième qui lui a fait une réponse identique. Nous sommes tous de l'île de Sein, mon général. Tous les hommes sont partis après avoir entendu votre appel. De Gaulle s'est tu un moment. Il a hoché la tête, il a promené son regard sur nous, puis il s'est redressé et nous a dit « Eh bien, mes amis, aujourd'hui, l'île de Sein, c'est le quart de la France. » Juin 1940, les hommes de l'île de Sein s'embarquent pour l'Angleterre de Jean-Yves Le Naour, avec Fanche Émilien Gobard, Porsmoguer Patrick Lemauf, l'abbé Guillerme Rodolphe Congé, la mère Hortense Mont-Saint-Jean, Louis Guilcher le maire Philippe Méma, Henri Thomas Éric Chalier et les voix d'Émilien Audibert, Benjamin Bure et Pierre Mignard. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Maxime de Peretti de la Roca et Bastien Varigaud, assistante à la réalisation Émilie Jocquiel, réalisation Cédric Ossir. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Vladimir Troplin, nous avons donc quitté Fanche à Londres. Ce personnage fictif, inventé par Jean-Yves Le Naour, est un mélange de deux garçons qui ont bien vécu donc à Sein. L'un, Fanche, qui voulait partir, mais que l'abbé Guillerme a réussi à convaincre de rester pour ne pas quitter sa mère. L'autre, c'est Louis Fouquet, 14 ans, qui est réellement parti, mais sans l'accord de ses parents. Il reviendra vivant, et d'ailleurs, il sera le dernier survivant de cette aventure. Il est mort en 2018. Vous l'avez rencontré, je crois, Vladimir Troplin. Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer à l'occasion d'un de mes petits séjours sur l'île de Sein, tout à fait. Donc la question qu'on se pose, Vladimir Troplin, bien sûr, c'est pourquoi ils sont partis ? Est-ce qu'ils savent qui est De Gaulle ? Donc quand ils prennent ce bateau, est-ce qu'ils ont déjà en tête l'idée qu'ils vont désobéir, qu'ils vont résister, ou c'est parce qu'ils ne veulent pas être faits prisonniers par les Allemands ? Je crois que c'est un mélange de plusieurs choses, en effet. Je pense qu'il y a un sentiment patriotique très fort chez ces Bretons d'île de Sein. Ce sentiment, il est renforcé par le fait qu'ils peuvent entendre, pour une partie d'entre eux, justement, le discours du 22 juin du général de Gaulle, qui les renforce dans leur sentiment de patriotisme. Mm-hmm. Je crois qu'il y a une raison plus factuelle, c'est la peur d'être fait prisonnier, hein, que l'on ressent, parce que le recensement des hommes de 15 ans jusqu'à un âge plus avancé semble indiquer qu'ils vont être fichés et éventuellement arrêtés. Donc il y a cette très grande peur, alors même qu'ils sont libres, d'être faits prisonniers par les Allemands. Et puis, je crois qu'il y a le caractère insulaire qui joue pleinement. C'est-à-dire que les habitants de l'île de Sein ont l'habitude de parler, de discuter ensemble et de faire face collectivement aux dangers. Par exemple, quand il y a des grandes tempêtes, et Dieu sait qu'il y en a souvent, on n'a pas le choix, on est obligatoirement solidaire. Et je crois que, et d'ailleurs la fiction le montre un peu, et justement, c'est que les deux autorités morales de l'île, à savoir Louis Guilcher, le maire, et Louis Guilherme, le recteur, c'est-à-dire le curé en français, non seulement ne sont pas opposés à ce départ, mais ont tendance plutôt à l'encourager. Et on voit le prêtre qui bénit les sénants qui partent, qui bénit les bateaux. Et donc, il y a une forme d'onction des autorités morales de l'île qui, à mon avis, a contribué à ce départ collectif. C'est la République et l'Église en même temps. C'est ça, c'est tout à fait ça. Après leur arrivée en Angleterre, où est-ce qu'ils vont combattre ces hommes de l'île de Sein? Dans la marine, j'imagine, surtout. Alors, essentiellement dans la marine, parce que, effectivement, ce sont des gens de la mer, ils connaissent parfaitement tout ça. Alors, pas tous dans la marine de guerre, hein. Certains vont s'engager dans les forces navales françaises libres, c'est-à-dire la marine combattante du général de Gaulle. D'autres, assez nombreux, vont servir dans la marine marchande, qui a un rôle tout à fait essentiel, et d'ailleurs, un taux de perte qui est supérieur aux unités combattantes pendant la guerre, on le sait pas, mais les marins qui ravitaillent l'Angleterre en particulier payent un tribut épouvantable. Et puis certains vont être employés dans le service des pêches de Penzance, qui est Penzance, c'est une petite ville à l'ouest, de la Cornouaille, sud-ouest de Cornouailles, qui a pour mission de ravitailler tout simplement les Britanniques et les gens qui se trouvent sur l'île. Ils auront des destins qui seront très variables. Pour les combattants, certains vont servir dans les sous-marins, d'autres dans la marine de surface, dans les fusiliers marins qui vont faire la guerre à terre. Un fera partie du commando Kiefer, qui débarquera le 6 juin 1944. Et puis, on peut quand même ajouter qu'ils ont payé un tribut eux-mêmes assez lourd, puisque sur les sénants partis, 18 sont morts pour la France, parmi ceux qui sont partis en Angleterre. Et d'ailleurs, on peut en ajouter 4 qui ne sont pas partis, mais qui sont également morts pour la France en se battant du côté de la résistance. Donc ça fait 22. Ça fait 22 sénants morts pour la France dans cette période 39-45. C'est une proportion importante. Tout à fait considérable. Oui, donc, parce que la résistance durant toute la Seconde Guerre mondiale en France, même en 1944, qui a été une période où la population s'est un peu plus engagée qu'avant, eh bien, cette résistance n'a jamais concerné plus de 1% de la population française. C'est quand même étonnant, ce chiffre de 128 sénants engagés dans la France libre. Donc, vous le disiez, c'est la solidarité, c'est cette spécificité aussi d'une vie sur une île. Oui, et puis il y a quand même un élément, ils avaient deux avantages, ils étaient quand même parmi les Français, probablement parmi ceux qui étaient les plus proches de l'Angleterre, en tout cas assez proches, à moins de 300 km de Plymouth, et par ailleurs, ils avaient de quoi y aller, c'est-à-dire les bâtiments de transport, les bateaux qui leur ont permis d'y aller. Ouais. Ça n'enlève rien à leur mérite, mais il faut tenir compte aussi de ces circonstances particulières. Ils avaient cette possibilité de le faire, ils ont eu le courage de le faire, mais s'ils avaient été à Nice, ça aurait été plus compliqué. Ouais. Après la libération, donc le 1er janvier 1946, de Gaulle décerne la décoration de l'ordre de la libération à l'île de Sein et il vient lui-même en personne le 30 août 1946 sur l'île de Sein pour remettre au sénant la décoration donc de l'ordre de la libération et est accompagné par le journaliste Pierre Sabag. C'est un très grand honneur et un très grand plaisir pour moi que de me trouver ici, chez vous, à l'île de Sein. Au milieu des Iliens et des Iliennes, qui ont donné un exemple magnifique et qui va devenir légendaire parmi tout ce qu'ont fait les bons Français et les bonnes Françaises dans cette guerre. C'est une légende héroïque que celle des hommes de l'île de Sein qui sont partis servir, combattre pour la France au pire moment de cette terrible guerre. Cela a été fait par de bons et courageux Français, de bonnes et courageuses Françaises qui ont voulu, elles aussi, que cela se fasse et qui sont restées ici avec les vieux et les enfants pour souffrir noblement. Ce qui a été fait donc est devenu légendaire. Il y aura toujours, toujours en France, des gens qui penseront à l'île de Sein, des enfants qui se rappelleront d'âge en âge ce qui a été fait par vous. La France tout entière n'oubliera pas qu'il y avait là, au bout de la France, dans l'océan, une bonne, courageuse île française et bretonne qui sans s'occuper d'autre chose que de la patrie a su combattre, souffrir et pour 28 de vos enfants mourir. Je m'en vais remettre à l'île de Saint, entre les mains de son maire, Monsieur Varzin, la croix de la libération. Faites présenter les gens. C'était donc le général de Gaulle, prend toute 1946 à l'île de Saint. C'est intéressant aussi parce que lors de la libération au Sénan, c'est une manière de rappeler aussi que les classes populaires ont compté dans la résistance. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. C'est la dernière des communes à laquelle, chronologiquement, le général de Gaulle attribue la croix de la libération. Et d'ailleurs, il le fait avant de quitter le pouvoir, hein, en janvier 1946. Oui. Je pense que dans son esprit, c'est un juste retour des choses par rapport justement à ces gens modestes, des Français d'origine, si vous voulez, assez simples, et qui ont montré ce qui est devenu finalement un mythe, y compris pendant la guerre, hein, ces Sénans qui partent massivement, proportionnellement à leur population, rejoindre l'Angleterre, c'est un mythe déjà dès 1940. Déjà une légende, oui. Comme il dit. Alors le journaliste présent, donc Pierre Sabag, tend son micro à Pierre Couillandre. Il a perdu son fils, qui est parti avec lui en Angleterre. On l'écoute. Alors j'ai un fils, tiens écoute-moi, qui est perdu sur le sous-marin sur Kouf, il aurait eu 24 ans maintenant. Alors ce type-là est parti avec un frère à moi, le plus jeune de chez nous. On était 4 frères, nous autres, en Angleterre. 4. Et alors, il y avait son frère à lui, mon fils, quoi, qui avait 15 ans et demi. Il me disait, ben, laissez-moi partir, je vais partir avec mon frère, moi aussi, avec votre frère à vous, pour aller en Angleterre. Trop jeune, mon gars, tu resteras là, hein, en même temps que ton père, tu resteras ici avec moi. Et lui, il me disait, hein, vous voulez pas me laisser partir avec mon frère, qui me dit, mais demain, vous serez dans l'obligation de me laisser partir avec les Boches. Ah, pardon, pas d'histoire, hein. Alors, le lendemain, c'était pas avec les Boches, c'était avec le père, puis avec son frère, avec mon frère, moi, qu'on est parti pour aller en Angleterre. C'était donc le témoignage assez émouvant de M. Couillant, donc parti avec son frère et ses deux fils. C'est des fratries, hein, entières qui sont parties en Angleterre. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Oui, il y a effectivement plusieurs frères. Il y a plusieurs familles comme ça, frères, il y a des noms neveux, qui reviennent. Cousins, il y a des noms effectivement qui reviennent. Et puis, c'est parfois effectivement la même famille avec qui porte le même nom en étant cousin germain. Oui, oui, tout à fait. Alors donc, on a vu ces hommes partir, ces héros, ces hommes de l'île de Saint, comme on dit toujours. Mais pendant que les Sénans, ces hommes partent combattre avec De Gaulle, il y a les femmes, les vieillards, les enfants qui restent. Et qu'est-ce qui va se passer? Les Allemands vont venir occuper l'île de Saint? Oui, les Allemands n'ont pas du tout apprécié le départ des Sénans, ça s'est su forcément. Ouais, ouais. Et puis, c'est une espèce d'avant-poste isolé, hein, dans l'océan, l'île de Saint. Donc, ils vont ils vont y installer une petite garnison, en particulier de la douane, qu'on appelle la Gast, allemande. Ils vont mettre aussi des mines et des barbelés à peu près partout autour de l'île. Et créer un certain nombre de difficultés administratives aux Sénans pour se déplacer, aller sur le continent et en revenir. Donc, ça n'a pas été très drôle. Heureusement, quand même, certains hommes sont revenus, et les hommes qui sont revenus, c'est simplement ceux qui n'étaient pas là au départ, ceux qui étaient sous les drapeaux. Oui, qui étaient mobilisés. Voilà. Et qui ont été démobilisés pour une partie d'entre eux, ceux qui n'ont pas été faits prisonniers de guerre, et qui étaient naturellement des pêcheurs, et quand même pu reprendre une activité de pêche sur l'île. Malgré tout, il y a une malnutrition évidente, en particulier des enfants. Il y a 170 enfants. Sur 220 ou 230 personnes sur l'île. Donc. Plus de malnutrition que sur le continent? À mon avis, oui. Oui. Du fait de la difficulté de ravitaillement et puis de la pauvreté des Sénans. Alors il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Il y a une cantine qui va être mise en place par le maire Louis Guilcher au profit des familles et des enfants en particulier de ceux qui sont partis. Mais ce ne sera pas rose du tout. Merci Vladimir Troplin de nous avoir rappelé cette histoire. Donc l'île de Saint qui, je crois, est l'île la plus décorée, la commune la plus décorée de France. Et oui, la commune de France la plus décorée, ayant reçu la Croix de la Libération, la Croix de guerre 39-45 et la médaille de la Résistance française. Seul cas en l'espèce. Merci de nous avoir rappelé cette histoire. Merci à Audrey Ripouille qui a réalisé l'émission, assistée de Frédéric Martin, à la technique Benjamin Wagon. Vladimir Trouplin, vous êtes l'auteur de « Ils avaient de 11 à 18 ans, les 44 plus jeunes compagnons de la Libération », apparaître chez Elitis en avril 2024. Et bien sûr, il faut lire la Bible sur l'ordre de la Libération, le dictionnaire des compagnons de la Libération, publié aussi chez Elitis, à l'origine en 2010, mais qui a été republié en 2023. Et pour en savoir plus sur l'île de Saint et sur les hommes qui sont partis donc en 1940, de Bernèse Rouze, Saint, une île de résistance, édité aux éditions des Montagnes Noires, ainsi aussi une BD de Jean-Yves Le Naour et Guy Michel, Les Compagnons de la Libération, l'île de Saint, édité chez Grand Angle. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui d'Autant en emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où comme toujours, j'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, à l'occasion de la panthéonisation de Missak et Méliné Manoukchian, le 21 février prochain, nous reviendrons sur l'histoire de ces résistants étrangers et de leur réseau FTP Moy, qui eux aussi furent l'honneur de la France et qui furent fusillés par l'occupant. Missak Manoukchian au nom des autres, c'est dimanche prochain à 21h sur France Inter.